Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Dit-on. Oh, y'a biso y'a viva. Elle a la kate. Fiston Mundele, Mami Mundele, Sylvain Mavambo. Joujou Vangu, la reine des beautés. Jean-Paul Onema. MTM Motema. Yuka Kosuzuya. Orlando l'éclaireur. Gary Kavungu, Mede Kibuti, Rina Sada. Bona Wanzambi, Picho Shimoto, Nzambaba Play. Adim Swater, Feli Gama. Yolem. Age John Chosola. Nakami nekonyo kwa male amundele papa na limi. Odette Akonga. Pembeni ya eba l'impératrice Kayoko Mundele. Henri Bokande. Nakati ya eba le général Mankoy Moussa Nyangadou. Maître du 15 Lutatila. Pa memi na mboka, papi matezo le boss. Faustin Kalemba. Oh, dansa clade, lisa mundele. Bibi Moulula. Moi, yé kongala. Esia bimisi bare. Koch nzinga le roi. Asilisa kite kobanza. Mote mamo baluki. Ido na fundu. Yo mundele. Ok, yé, mosika e. David Gama. Mawa. Opetia motema. Colonel Fini Okoto. Leon mundele. Dorine Mianda. Miriam Zazi Akney. Présence Léon. Igo Kilou. Sonaboka Molili. Sakina Moni Mundele. Fondation Amaga. Wapela Kamuina. Mahoma Baya. Sege Kambo, Mumba Tita, Dr. Bertin Itokoras Beni, Braya Mwana Boato, Papi Yakangu, Pindankai, Excellence Denis Kambayi, Ma Denise Chibouyi, Maître Wali, Tissia Maswana, Maron, Fleury Diakanam, Andrix Kabasale, Monsieur Proctor, Aye Aye, Cheribel Lendo, Zizi Lendo, hein? Roger Mouaka, les taciturnes. Cap Mive John, l'ami Olito. Eba! Christian Cécélé. Hissène Cécélé. Guerlain Boulien. Tiens, Marie Mouangue. Sénateur Fidel Mpaï. Mbodo, Jessin. Princesse. Kalim, la grande, moi la Cameroun, docteur Mamisa Kalasa Sifa. Vous sauvez notre amour. Yannick Kazali. Général Grégoire Mazikala. Melinda Zola. Ali Golas. Maître Camille Yuma. Abbé Lassouba. Docteur Germaine Maponda. Alino Wanner. Te Soro. Yo, tout à l'inanzete, yen ebende. Nanya yo ki passe.